Elle sonne bien, cette guitare. Comme tempo. J'aimerais bien avoir un truc sur ma basse. Pa pa pa pa pa pa. Pa do do do. Latence, t'as des problèmes de latence? Ah, c'est emmerdant ça. Try. Da da da. Thank you.